Ici Claude Saussier. Voici C'est si bon en été. Votre souffle, ouf! In the mood, ça nous dit où on s'en va, n'est-ce pas, Claude Saussier? Heureux de vous retrouver à l'émission. C'est si bon, c'est bien sûr la célèbre pièce de Glenn Miller. Pour les plus jeunes, rappelons que ça remonte à 1940, que cet enregistrement a duré 13 semaines numéro 1 des palmarès de l'époque et que cette pièce musicale et cet enregistrement a été déposé à la librairie du Congrès américain. C'est notre sorte d'archive nationale du Canada, si vous voulez, aux États-Unis. On intègre certaines pièces du monde de la culture américaine en autant qu'il y ait une signification culturelle, historique et esthétique. Et In the Mood s'y retrouve, peut-être pas toutes celles qui s'en viennent, mais plusieurs en tout cas, puisque l'émission qui démarre, C'est si bon, plonge dans les musiques des années 30 à 70, dans les musiques de Broadway, de cinéma, de comédie musicale et de jazz, bien sûr, avec les meilleurs de l'époque, et avec parfois certains artistes contemporains qui ont beaucoup de talent et qui ont réussi à redonner de la couleur à certaines vieilles pièces musicales, comme ici va le faire Michael Bublé.

Et que c'est beau d'écouter ça, cette chanson, cette vieille chanson « Till There Was You » 1957, une chanson de Meredith Willson qui dit simplement qu'il y avait des cloches sur la colline, je les avais jamais entendues sonner, Je te dis, je les ai jamais entendus tonner jusqu'à ce que tu arrives dans ma vie. Il y avait des oiseaux dans le ciel. Je ne les ai jamais entendus chanter. Non, non, je te le dis, jusqu'à ce que tu arrives dans ma vie. C'est beau. Aime ça. Et c'est Peggy Lee qui vient de la refaire, cette vieille chanson, que les Beatles ont mis sur leur premier album. Paul McCartney l'avait entendue à la radio, ignorait complètement d'où elle sortait, cette chanson, mais l'avait aimée. Et en 62, les Beatles l'avaient utilisée. À l'émission « C'est si bon », après cette jolie chanson, je peux rappeler que juste avant, le « Oye comme au vent » était chanté par Eliane Elias, la chanteuse de jazz et pianiste brésilienne qui vit à New York maintenant. À venir à l'émission un peu plus tard, juste pour être sûr que je veux vous garder avec moi, Bing Crosby va nous faire Don't Fence Me In. Il y aura Danny Kaye avec une chanson que j'ai jamais jouée ici. Frankie Lane, Marvin Gaye, Trini Lopez, ça c'est la grande visite. Billie Holiday va nous faire sa version de Blue Moon. Joe Stafford, Michel Legrand, Tony Martin, on manquera pas de bonheur à l'émission. Qu'est-ce que j'ai? Nat King Cole, en 1951, il a 33 ans. Et on multiplie par deux, puis il s'en va sur la route 66. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Tip when you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light.

On était dans du Duke Ellington, là. Sans arrêt, dans les deux dernières pièces d'ailleurs. Celle-ci, Don't Get Around Much Anymore, de Bob Russell, a été aussi composée par Duke Ellington. C'est lui qui joue avec son orchestre. Et tout juste avant, il y a eu I'm Beginning to See the Light. C'était une sorte de duo entre Ella Fitzgerald et les Ink Spots. Mais la pièce a aussi été composée par Duke Ellington. À l'émission C'est si bon, il y a eu d'abord Nat King Cole, tout juste avant, dans la route 66. Je vous donne l'adresse. Je sais que vous aimez ça communiquer. On aime ça aujourd'hui. On a tous les moyens nécessaires et faciles. Vous sautez sur votre tablette, votre téléphone, votre ordi, puis vous m'envoyez un petit mot. Le moyen le plus direct, c'est par Facebook. Facebook, Claude Saussier, allez-y, boum, vous écrivez sous mon statut. Évitez Messenger si vous pouvez, parce que ça en fait trop. Alors, allez-y direct sur la page Facebook, faire votre commentaire, partager avec les autres aussi vos commentaires, ou encore vous envoyer un courriel à l'adresse suivante. C'est si bon en un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe assez, là. Toutes les lettres sont là d'un seul coup. C'est si bon, @radiotradunio-canada. Un petit coup de chaleur venu des îles, ça vous tente? C'est la voix de Harry Belafonte. While in that gay tropic isle, I first saw that maiden smile. Though I had failed in the past, I said, "This is true love at last." But then she whispered to me that our love never could be. Destiny, oh, when will I see the day? Hopelessly, I've wandered so long this way. This could never be, she said pleadingly. Don't ever love me, I'm just fancy free. This could never be, she said pleadingly. Don't ever love me. My love was motion and grace, the moonlight soft on her face. I held her close in my arms, my heart was quick to her charms. But then I saw in her glance, it was just an evening's romance. Destiny, when will I see the day? Hopelessly, I've wandered so long this way. This could never be, she said pleadingly. Don't ever love me, I'm just fancy free. This could never be, she said pleadingly. Don't ever love me. She said pleadingly, "Don't ever love me." Did you ever go down Trinidad? They make you feel so very glad. Calypso, sing and make a run. Fine time drinking rum and Coca-Cola. Go down Bonkumana, off Mother Andorra, working for the Yankee dollar. See the Yankee come to Trinidad. They got the younger for going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise. Drink rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar. from Chicka Chickery to Monosile. Native girls all dance and smile. Help the soldiers celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cubana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Oh, fit it, man, fit it. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear her bingo crew bring rum and Coca-Cola. Go down Point Cubana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cubana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. The Yankee dollar. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Oh, give me land, lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in, no. Papa, don't you fence me in. Et qu'on l'aime celle-là. Don't fence me in. La jolie collaboration entre les Andrews Sisters et Bing Crosby. Don't fence me in. Ils sont entrés en studio en 1944. Ils n'avaient jamais vu la partition. de cette chanson, les Andrews Sisters et Bing Crosby. Jamais entendu, jamais vu la chanson. 40 minutes plus tard, elle était dans la boîte, puis ils en ont vendu 1 million. C'est de l'argent vite fait, qu'on appelle. Surtout que la chanson est de Cole Porter, puis qu'elle a une histoire assez amusante. La chanson, Cole Porter s'était fait passer une commande par la Century Fox. On voudrait avoir une chanson qui sonne un peu country, un peu western. Et il y avait un ingénieur qui travaille au ministère des Transports de Helena, dans le Montana, qui écrivait des poèmes. Puis il les envoyait à tout le monde tout le temps. Et Cole Porter est tombé sur le poème de Robert Fletcher. Et c'est avec ça qu'il l'a retravaillé. Il l'a acheté pour 250 $. Puis il l'a retravaillé, puis ça a fait « Don't fence me in ». Mais Cole Porter étant Cole Porter, il a ajouté le nom, même s'il avait payé pour la chanson, il a ajouté le nom de Fletcher dans les crédits. C'est assez beau qu'on se compte des belles histoires comme ça. C'est ce qu'on fait à l'émission « C'est si bon ». Comme celle-ci, qui est tirée, cette chanson, d'un film presque biographique, d'un trompettiste et chef d'orchestre qui se nommait Loring Red Nichols. C'est Danny Kaye qui chante la chanson qui a été en nomination aux Oscars, « The Five Pennies ». This little penny is to wish on and make your wishes come true. This little penny is to dream on and dream of all you can do. This little penny is a dancing penny. See how it glitters and it glows. As bright as a whistle, light as a thistle, quick, quick as a wink, up on its twinkling toes. Oh, this little penny is to laugh on, to see that tears never fall. This little penny is the last little penny, and most important of all. For this penny is to love on, and where love is, heaven is there. So with just 5 pennies, if they're these 5 pennies, you'll be a millionaire. This penny is to love on, and where love is, heaven is there. So with just 5 pennies, if they're these 5 pennies, you'll be a millionaire. Soybeans, I said those rooty-vooty beans. Cabbage. Java Jive and it loves me. Java. Coffee and the tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup. Blow me a slug from that wonderful mug and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop a nickel in my pot, Joe. Taking it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. Yeah. A cup, a cup, a cup, a cup. Boy. Chanson hommage au bon café. Avec les Manhattan Transfer, une chanson qui remonte au début des... Ben, la vieille chanson est vieille, est de 1940, mais Manhattan Transfer est un groupe qui est né à la fin des années 60, début 70, et qui ont repigé dans le passé, ça se faisait souvent dans ce temps-là. On allait chercher une vieille, vieille chanson, on la modernisait, on la rafraîchissait, et bang, ça a été un immense succès pour Manhattan Transfer, qui était un groupe qui était très polyvalent, qui s'est essayé à toutes sortes de genres, dans l'a cappella, dans les chansons pop, dans le swing, dans le brésilien, dans le rhythm and blues. Alors, Manhattan Transfer, qui en 81 a fait l'histoire au Grammy, puisque c'est le seul groupe de toute l'histoire à avoir jamais gagné la même année un Grammy dans deux catégories différentes pour Boy from New York City, alors en jazz et en populaire, c'est quand même fait. Puis cette chanson, ça m'a allumé. J'ai dit à un autre groupe qui l'a fait, Boys from New York City, le groupe Adlibs. C'était un groupe du New Jersey dans les années 60 et qui avait l'originalité en doo-wop d'avoir une femme comme soliste. C'était toujours des groupes d'hommes, des groupes de femmes. Là, c'est des hommes avec une femme et ça a donné une très, très bonne version. How he talks. to meet where gypsies play down in some dim cafe and dance till break of day. That's my desire. We'll sip a little glass of wine. I'll gaze into your eyes divine. I'll feel the touch of your lips pressing on mine. To hear you whisper low, just when it's time to go, Cherie, I love you so. You're my desire. To hear you whisper low, just when it's time to go, Cherie, I love you so. You're my desire. You're my desire. Again with you, let no other hold your charms. If my dreams should all come true, you'll be waiting for my arms till I kiss you once again. Keep my love locked in your heart. Darling, I'll return and then we will never have to part. Though it may break your heart and mine, the minute when it's time to go, remember, dear, each word divine that meant you so. Till I was again with you, just the way we are tonight, I will keep my promise true, for you are my guiding light. Till I was again with you, keep my love locked in your heart. Darling, I'll return and then we will never have to part. Though it may break your heart and mine, the minute when it's time to go, remember, word divine that meant I love you so. Till I was again with you, just the way we are tonight, I will keep my promise true, for you are my guiding light, my light, my light. I will keep my promise true till I was again with you. missing me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east and far. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Nice. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from sand? Mercy, can't you stand? Mercy, Mercy Me, c'est Marvin Gaye, 1971, qui déjà à l'époque chantait, lançait des cris d'alarme sur l'environnement, la pollution, l'écologie, sur l'air qu'on respire, sur la mer qui est polluée, etc. Déjà en 1971, il vient de compléter un long enchaînement où il y a eu Teresa Brewer qui a chanté Till I Waltz Again With You, le fameux Frankie Lane, That's My Desire, et ainsi de suite. C'est mon temps à moi pour vous rappeler que vous écoutez l'émission C'est si bon sur la radio musicale de Radio-Canada. Claude Saussier vous parle ici. Je vous invite à partager avec moi les plaisirs de ces plus belles musiques de nos souvenirs. Et on le fait comme ça toutes les semaines. Alors, je vous parle de Montréal et heureux de vous savoir heureux avec moi dans ces grandes musiques. Voici une chanson à la mode des années 60. Il y avait parfois des artistes qui se trouvaient une recette. C'était le cas de Trini Lopez. Assez talentueux, excellent pour faire donner des spectacles. Et sur ses disques, il transposait un peu l'ambiance, le climat de ses spectacles. Le voici, Trini Lopez. Said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. My father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word.

encore une pièce de Cole Porter, ben oui, Night and Day, mais cette fois, c'était saturé de belles notes de musique. Il y en avait trop, il y en avait partout, puis ça nous flattait la peau. C'était Les Elgert et son orchestre, un des chefs d'orchestre qui a beaucoup travaillé la qualité de ses enregistrements en studio. Un chef d'orchestre qui a évolué à partir des années 40. Il jouait dans les orchestres connus comme ceux d'Harry James et compagnie, mais avec son frère, Les et Larry ont fait ensemble un orchestre. Ensuite, ils se sont séparés, mais ça donne de très beaux enregistrements. Night and Day, Les Elgert et son orchestre. Blue Moon, juste avant Billie Holiday, avec Oscar Peterson qui est au piano dans l'enregistrement. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que j'ai à venir plus tard? Je regarde le menu. Encore, on ouvre les pages, on tourne à la page 2, puis on voit, oups, à venir un peu plus tard, les Platters. Il y aura aussi Etta James, l'orchestre de Artie Shaw. Ah, les Cordettes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ella Fitzgerald, Time After Time, Mad Dusk, Nicole Martin. Pour l'instant, c'est un très grand classique de Pee Wee King, Red Stewart, Chilton Price, chanté par Joe Stafford. You Belong to Me. Greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure. No one else could love you more. Know my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long time. But far beyond, you'll be mine. I know I've never lived before, but my heart is very sure. No one else could love you more. No one else could love you more. Thank you. night I met you, that's all I'm thinking of. And now you call it madness, but I call it love. C'est la voix de Tony Martin qui chantait « You called it madness, but I called it love ». Tu peux appeler ça de la folie, moi, je dis que c'est de l'amour. Il a complété l'enchaînement où on a entendu Michel Legrand à son piano interpréter « I love Paris ». Il y a eu Mad Dusk qui chantait « More » à l'émission. C'est si bon, vous nous trouvez pour les commentaires, suggestions ou simplement pour partager le plaisir. Vous allez sur Facebook, Claude Saucier, c'est si bon, ou encore vous envoyez un courriel à « C'est si bon » en un seul mot, @radio-canada.ca. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu « Les Platters ». I'm the great pretender, pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of make believe, too real when I feel what my heart can't conceal. I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be tender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still. It's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday a certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my Thursday, Friday, or Saturday, oh, nothing but Sunday, oh, yeah, yeah, I want a Sunday, Sunday. I could die. taste your lips of wine any time, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Il rêve sa vie, le jeune homme, une chanson de Boudlow Bryant, chantée par les Everly Brothers. Il dit que peu importe ce qu'il, quand il te désire, quand il a envie de te prendre dans ses bras et que t'es pas là, il a juste à rêver, puis ça marche. Alors, il le fait dans toutes les circonstances. Il est triste, il rêve de ta compagnie, il n'a qu'à rêver. Ah, c'est facile, ça va bien. Il l'a complété l'enchaînement où, juste avant, il y a eu Etta James qui chantait « A Sunday Kind of Love ». En fait, c'était une jolie chanson qui dit que je veux un amour du dimanche, donc un amour qui dure plus longtemps que celui du samedi soir. Et qu'on a des belles chansons. Tout ça, l'émission C'est si bon que vous écoutez sur la radio musicale de Radio-Canada. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Tiens, petite pièce instrumentale, mais qui a fait son chemin pendant 50 ans et plus. Voici l'orchestre de Artie Shaw, « It Had to Be You ». Le génie des arrangements dans cette pièce interprétée par l'orchestre de Artie Shaw, une pièce de Isham Jones et Gus Kahn, It Had to Be You, c'est immortel tellement que c'est bien fait. Et l'enregistrement est d'une qualité incroyable pour l'époque parce que ça remonte quand même cet enregistrement aux années 1940. À l'émission, c'est si bon. Ah, le groupe qui s'en vient se nomme les Cordettes, vous les connaissez peut-être, c'est un groupe féminin des années 50 de chanteuses d'harmonie vocale. Et ils ont eu de très gros succès, dont celui qui s'en vient, Mr. Sandman, en 1954. Ce qui en fait la qualité, c'est que le producteur Archie Blyer s'est vraiment arrangé dans le studio d'enregistrement pour qu'on avait tendance à noyer les voix avec les instruments. Et là, on a fait le contraire. On a vraiment mis toutes les voix en avant. Voici Mr. Sandman. bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum like roses and clover, bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own, bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, yes, bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me, and my heart from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of a summer place. Is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their time. myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. The passing years will show you've kept my love so young, so new. And time after time, you hear me say that I'm so lucky to be loving. La grande Ella Fitzgerald, de chantant Time After Time de Marty Page. C'est l'orchestre de Marty Page qui l'accompagne. La chanson est de Julie Stein et Sammy Kahn. Time After Time, I'm still lucky to be in love with you, hon. Toujours heureuse d'être en amour avec toi. Toujours heureux d'être ensemble. Puis là, on a eu Ella Fitzgerald de juste avant. Il y avait Andy Williams. On se gâte avec Summer Place. Je vous rappelle simplement que vous écoutez l'émission C'est si bon sur la radio musicale de Radio-Canada. Claude Saussier ici vous parle de Montréal. Bienvenue avec nous dans les plus belles musiques de nos souvenirs, dont celle-ci avec les Ames Brothers, Tammy. I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's my love, the old hooty-owl, hooty-hoos to the dove. Tammy, Tammy, Tammy's my love. Does my darling feel what I feel when she comes near? My heart beats so joyfully, you'd think that she could hear. Wish I knew if she knew what I'm dreaming of. Tammy, Tammy, Tammy's my love. Thank you.

just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth I'd rather be. Let the time go by, I don't care if I can't be here on the street where you live. Stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth I'd rather be. Let the time go by, I won't care if I can't be here on the streets where you live. Boum, il manquait ça à la fin. On the street where you live, on a... J'avais demandé à Matt Dusk de revenir une deuxième fois aujourd'hui. C'était très, très bon, sa version de cet extrait de My Fair Lady, une pièce musicale de Frederick Love et Alan J. Lerner, 1956, que tout le monde a fait. Ben, en fait, j'ai compté, je pense que j'en ai 80 versions différentes un peu dans ma banque. On the street where you live. Nicole Martin a chanté C'est si bon. À l'émission C'est si bon, justement, on plonge des fois dans des grands, grands, grands classiques qui sont plus classiques que d'autres classiques. Ça s'en vient classique pas mal fort. Alors, Kitty Carlin, avec l'orchestre de Jimmy Dorsey, Bobby Burley et Kitty Carlin vont chanter ensemble. C'est la célèbre pièce que tout le monde peut fredonner, The Bessame Mucho. Mais dans les années 40, cet enregistrement-là est devenu un classique parce qu'il oscille sur deux rythmes avec deux voix. C'était l'arrivée des chanteurs et des chanteuses qui s'imposaient sérieusement dans le monde des big bands et on créait pour eux des formats. C'était le cas. Jimmy Dorsey et son orchestre, Bessame Mucho. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to a kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore, dearest one. If you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. joy. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Something new, my arms unfolding. You never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore, my dearest one. If you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse while I crucify the verse. This verse you've started seems to me the temp antithesis of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the daunting and sing the refrain. Mi, mi, mi, mi, re, re, re, re, do, so, mi, do, la. Take it away. The night is young, the skies are clear. So if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. When I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's delovely. Time marches on, and soon it's plain, you've won my heart and I lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's delovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church. See the proud parson plopped on his perch. Get the sweet beat of that organ sealing our doom. Goes the groom, boom! How they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's divine, dear, it's divine, dear, it's divine, divine, it's the victory, it's develop, it's divina, it's the voice, it's the lovely. The knot is tied, and so we take few hours off to eat wedding cake. It's delightful, it's delicious, it's lovely. It feels so fine to be a bride, and how's the groom? Why, he's slightly fried. It's delightful, it's delicious, it's lovely. To the pop of champagne, up we hop in our plush little plane, till a bright light through the darkness cozily calls. Niagara Falls, all's well, my love, our day's complete. what a beautiful bridal suite. It's the dreaming, it's the rousing, it's the reverie, it's the rhapsody, it's the regal, it's the royal, it's the ritz, it's the lovely. Voilà, c'est déjà tout pour ça si bon encore une fois aujourd'hui. Eh ben, je vous rappelle que c'est l'été, hein. L'été, on est samedi. On revient demain. Demain à 16h, je remercie mes collaborateurs Pierre Plante à la technique, notre réalisateur Alexandre Bernard. C'est Claude Saussier qui vous parle. J'espère que l'été est bon pour vous. On se retrouve demain, 16h.